di nga ci fekk aussi 60 pièces gomme. Gomme benn bu nekk 49 francs CFA. Gomme yi ñuy gommé crayon yi. 149 francs CFA, 60 pièces. Aussi, si biir di nga ci fekk 36 pièces ay rapporteur. Rapporteur benn façon bi fa nekk 36 pièces moo fa nekk. Benn bu nekk 35 francs CFA la dikkee. Rapporteur yi 35 francs CFA. Gombi 49 francs CFA.